bienvenue à cette troisième émission de Radio Langzo présentée par Najwa et Clément. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir les Aïnous, un peuple du nord du Japon, grâce à Noémie Godefroy, que nous avons interviewé il y a 2 semaines. L'interview a été faite par Mohamedou et moi-même. Nous vous invitons à découvrir cette interview, mais avant cela, quelques actualités. Mais nous allons commencer par quelque chose de très important. En effet, ce sont bientôt les élections étudiantes. Et pour nous en parler, nous avons avec nous dans le studio Najib Youssouf, représentant étudiant au conseil d'administration. Bonjour Najib. Bonjour Najwa, bonjour Clément. Alors Najib, dites-nous, qui sont les représentants étudiants ? Alors les représentants étudiants sont les personnes que les étudiants élisent chaque année ou tous les 2 ans en fonction des conseils pour les représenter, pour porter leurs revendications, pour relayer leurs inquiétudes et pour défendre leurs intérêts. Ces représentants étudiants, ils se réunissent dans des conseils pour discuter avec les professeurs et l'ensemble de l'INALCO ? Oui, tout à fait. Alors, il y a différents types de conseils auxquels les représentants des étudiants sont invités à participer. En ce qui me concerne, je suis notamment élu au conseil d'administration où on a des étudiants, on a du personnel administratif, beaucoup d'enseignants évidemment, et également des personnalités extérieures. Mais ça, c'est la particularité des conseils centraux, comme on dit, qu'il y a aussi des personnalités extérieures. Il y a également d'autres conseils, comme le conseil de département, qui réunit donc à partir de la réforme qui est en train d'être votée actuellement, l'ensemble des enseignants du département, ainsi que des représentants étudiants. Et dans le cadre de ce conseil, sont décidés tout ce qui a trait en fait à la vie quotidienne du département et des sections, dans le cas de département multilingue. Donc l'organisation des enseignements, l'élaboration des maquettes, l'évolution, l'organisation pédagogique des différentes langues. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et c'est une démarche dans laquelle les étudiants évidemment sont invités à participer à travers leurs représentants étudiants. Donc ces représentants étudiants ont un vrai rôle à jouer, ils ne sont pas là simplement en tant que consultants. Exactement, ils ont un rôle majeur, alors ils ont le droit de vote, hein, du coup en effet ils ne sont pas là simplement pour de la consultation. Et il y a notamment quelque chose d'assez important qui arrive avec cette réforme du règlement intérieur de l'INALCO, c'est que désormais la différence entre session plénière et restreinte des conseils est définie de manière beaucoup plus claire. C'est-à-dire qu'avant, dans les conseils de département, il pouvait arriver que on invite les étudiants en plénière pour discuter de choses et d'autres, pas forcément des choses annexes, ça peut être des sujets très importants, mais qui restent quand même assez superficiels, et puis ensuite de les renvoyer chez eux pour faire ce qu'on appelle la restreinte, où en fait ne reste que les enseignants du département pour la restreindre, pour parler des vrais sujets. Alors maintenant, les seuls sujets qui seront traités en restreint, ce sont ceux qui concernent les personnes. Donc directement tel ou tel enseignant. Donc tout le reste, et notamment décider si on va plutôt ouvrir un poste sur de la littérature ou sur de la linguistique, tout cela, ce sera discuté avec les étudiants. Et donc, bien entendu, donc les étudiants auront un rôle tout à fait important à jouer dans ce contexte. Alors, il y a bientôt des élections donc, pour élire des nouveaux représentants étudiants. Exactement. Donc, à partir de maintenant, les représentants au conseil de département, parce que c'est l'élection qui va avoir lieu dans le mois prochain, seront élus pour 2 ans. Donc, l'élection a lieu la semaine du 7 mars. Ce sera par vote du lundi 7 mars. Ce sera par vote électronique tout au long de la semaine. Et pour cela, les étudiants sont invités à présenter leur candidature sous forme de liste dans la semaine du 15 au 22 janvier. Donc maintenant, en fait, du coup, hein, je pense au moment de la diffusion de l'émission, donc dans cette semaine du 15 au 22 janvier, sachant que, parce que On a remarqué, notamment avec Isabelle Guérard, qui est également représentante étudiante au conseil d'administration, qu'il y avait un manque d'information des étudiants à propos de leur rôle à jouer dans toutes ces instances de l'INALCO. Et c'est aussi pour ça que je vous remercie pour l'invitation aujourd'hui, pour pouvoir expliquer aux étudiants qu'ils ont un rôle à jouer dans toutes ces instances. Et de ce fait, il y aura une réunion d'information qui se veut à la fois une réunion d'information, mais aussi un espace d'échange où les étudiants peuvent venir poser des questions. Ah, mais ça sert à quoi? Mais dans ce cas-là, même des questions assez précises, en fait, dans ce cas-là, est-ce que on peut faire quelque chose ou pas? Ça aura lieu le 17 février, le mercredi 17 février, avec la participation de la présidente de l'INALCO, de la vice-présidente, également le président de la commission des études, de la commission des études qui est une commission très importante de notre établissement, et également, donc, par exemple, le service juridique, donc ça fait un peu peur comme ça, le service juridique de l'INALCO va participer, mais c'est vraiment pour donner des renseignements sur la manière de candidater, etc. C'est le service juridique qui s'intéresse au bon déroulement des élections, c'est ça? Exactement, c'est le service juridique qui organise les élections, donc c'est auprès du service juridique qu'on dépose les candidatures. C'est ensuite D'accord. ce service qui s'occupe de faire le dépouillement, etc., de communiquer les résultats. Et donc c'est pour ça qu'il est invité évidemment à y participer, la vie étudiante, et puis évidemment des étudiants pour pouvoir échanger directement, pouvoir répondre aux questions et apporter un témoignage. D'accord. Donc cette réunion, ça sera le mercredi 17, en quelle salle? Alors c'est en amphi 1 à partir de 12h. D'accord, mercredi 17, amphi 1, 12h. Exactement. Très bien. Ces élections sont très importantes cette fois-ci car il y a beaucoup de nouveautés, n'est-ce pas? Oui, en effet, il y a des nouveautés au niveau de la structure de l'INALCO, et notamment pour les étudiants coréens, qui ça y est, ils vont avoir un département d'études coréennes. Ça a été validé par le dernier conseil d'administration. Du coup, cette année, les étudiants coréens voteront dans leur nouveau département d'études coréennes pour élire quatre représentants, je crois, oui, quatre représentants étudiants. Et l'autre nouveauté concerne les filières. Jusque-là, à part la filière team, les autres filières n'avaient pas de représentants étudiants et ça posait parfois des difficultés parce que les problèmes des filières retombaient dans les départements de langue et civilisation alors qu'eux, ils ne pouvaient rien faire parce que ce n'était pas de leur domaine de compétences. Donc, ces filières vont être réunies dans deux départements. Donc, relations internationales et commerce international, donc HEI, CPEI, sont réunies dans le filière, dans le nouveau département métier de l'international, tandis que les filières communication information interculturelle, donc CFI, texte informatique multilinguiste TIM et la filière didactique des langues sont réunies dans le nouveau département métier des langues de la communication et de l'interculturel. Et donc dans ce cadre-là, les étudiants des filières vont pouvoir élire des représentants dans leur nouveau département, sachant que, par exemple, une étudiante qui serait en coréen, en L3 coréen CFI, va pouvoir voter pour son conseil de département coréen, études Et coréennes, aussi et évidemment pour le conseil de département du du département professionnalisant. est-ce que cela signifie que cette étudiante pourrait être en même temps élue au conseil des métiers des langues, de la communication et de l'interculturel et au conseil de son département de langue? Non, non, bien entendu. Hein. Les étudiants peuvent voter dans leurs différents départements d'appartenance, mais ils ne peuvent se présenter que dans un seul de ces départements. Il faut faire un choix. Un choix. Très bien, merci. Najib, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur le sujet des élections? Alors, sur le sujet des élections, je pense que c'est plutôt bien résumé hein, de quoi il en retournait. Moi, je voulais rendre un hommage vraiment au travail que vous faites à Radio Lanxo, parce qu'il me semble que c'est vraiment quelque chose qui manquait dans l'établissement, d'avoir un média comme une radio, qui plus est, qui puisse non seulement parler de l'actualité de l'établissement, mais aussi inviter nos chercheurs, nos doctorants, nos enseignants pour partager leur sujet de recherche, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour à la fois pour la vie de l'établissement, puis pour la diffusion de toutes les choses formidables que nous faisons ici à l'INALCO. Et je tenais vraiment à vous remercier pour votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir d'entendre des encouragements. Vous l'aurez donc compris, présentez-vous ou allez voter, mais investissez-vous. Car il s'agit de votre établissement. Et si vous ne le faites pas, eh bien les décisions vont se faire sans les représentants étudiants et c'est le pire cas possible. Vous n'aurez pas votre mot à dire sur quel professeur, quelle matière devrait être mise en valeur. Très bien. Merci beaucoup, Najib, de votre participation Merci à, vous. À cette émission. Quant à nous, on va donc passer à l'interview que nous avons enregistrée avec Noémie Godefroy. L'interview a été enregistrée mi-janvier, pour vous donner une date, parce que nous évoquons certaines dates lors de cette interview. Et elle a été enregistrée par donc Mohamedou Sek et moi-même, avec Noémie Godefroy, qui va nous parler du peuple des Aïnous, au nord du Japon. Si vous désirez réagir à cette émission, n'oubliez pas que vous pouvez le faire soit sur notre Tumblr, donc radiolangzo.tumblr.com, soit sur notre page Facebook, facebook.com/radiolangzo, soit par mail, radiolangzo, tout attaché en minuscule, @gmail.com. Merci beaucoup et bonne interview. Bonjour mademoiselle Godefroy. Bonjour. Bonjour, nous sommes ravis de vous recevoir dans cette troisième émission de Radio Longzo et nous allons parler avec vous des habitants de l'île de Hokkaido, autrefois appelée l'île des eaux, donc l'île japonaise. Et dans un premier temps, donc, on va aborder un peu votre passif, comment en êtes-vous arrivé à étudier le japonais, dites-nous tout. Alors j'ai commencé le japonais un tout petit peu par hasard en fait, je ne savais pas trop quoi faire après un baccalauréat scientifique. Mmh. Et ne sachant pas trop quoi faire, j'avais toujours été intéressée par les langues étrangères. Et j'avais fait un petit peu de japonais durant l'un de mes séjours aux États-Unis. Ah, vous avez été aux États-Unis? Oui, j'ai été aux États-Unis jeune pour le travail de mon père, dans le Missouri. Donc pas un endroit forcément très connu, bien que malheureusement il ait fait un petit peu l'objet de l'actualité récente l'année dernière. Et là-bas, un petit peu par hasard, il y avait une prof dans le lycée que je fréquentais qui était japonaise et qui enseignait le japonais. Donc j'avais commencé, j'avais trouvé ça sympa. Et je me suis inscrite aux langues orientales en japonais. Et je ne connaissais pas grand-chose au Japon, je n'étais pas passionnée par les mangas. Et votre père n'était pas linguiste, lui? Non, du tout, mathématicien. Du tout. Mathématicien. D'accord, okay. Donc, un autre type de langue, c'est un langage un peu universel. Et donc je suis rentrée aux langues orientales avec pas mal d'a priori sur le Japon, donc des a priori qu'on retrouve encore aujourd'hui, comme quoi, par exemple, au Japon, il n'y a que les Japonais, il n'y a que la langue japonaise qui est parlée au Japon, que le Japon a un petit peu toujours existé tel quel, avec les mêmes frontières. Et lors d'un cours d'histoire en première année, j'ai appris l'existence des Ainu, qui avait été évoqué comme ça au détour d'une phrase par ma professeure de l'époque, Nathalie Kwame. Et j'ai voulu en savoir plus. Or, il n'y avait pas grand-chose en langue française sur les Ainu. Uh-huh. Et du coup, dès que je me suis inscrite en maîtrise, quand il fallait que je choisisse un sujet de recherche, je me suis dit, bah, pourquoi pas, il doit y avoir des choses en japonais dessus, donc je vais commencer à étudier les Ainu. Et voilà, cet intérêt ne s'est pas... J'ai toujours, depuis plus de 10 ans maintenant, été intéressée par l'histoire et la culture de ce peuple. Et d'une manière générale, votre expérience d'étudiante au Langzo, comment elle s'est passée? Comment vous l'avez ressentie? Est-ce que vous avez pu partager vos expériences avec d'autres étudiants? Est-ce que vous avez rencontré des étudiants d'autres départements de langue? Parce que, en plus, c'était à l'époque où l'INALCO était donc séparé en toute petite entité. C'était pas comme maintenant où l'INALCO est regroupé dans un seul bâtiment. Ouais, tout à fait. L'expérience était, je pense, très différente de ce que c'est aujourd'hui au PLC. C'est-à-dire qu'en effet, il y avait des petits centres. Chacun regroupait plus ou moins une aire géographique. Et nous étions logés gracieusement, entre guillemets, par l'Université Paris Dauphine, à la Porte Dauphine. Et il y avait toutes les langues de la zone aréale asiatique, sauf le coréen, qui pour une raison inconnue était à Clichy. Et donc, on se croisait dans les couloirs lors de transhumances mémorables pour aller d'une salle à l'autre. Mais c'est vrai que l'esprit d'école était beaucoup moins présent, je pense que maintenant, oui. Et vous avez eu l'occasion d'échanger un peu avec des étudiants d'autres langues? Alors, en master, on a commencé à avoir des cours un petit peu de méthodologie transaréale. Donc, j'ai pu en particulier rencontrer Valérie Legrand. Donc là, il me semble que c'est même peut-être plus tard, en master 2 ou en thèse, de personnes qui avaient continué à faire des recherches. Mais c'est vrai que ce n'était pas du tout, je pense, comme aujourd'hui au niveau des échanges qu'on peut avoir entre langues. Et je n'étais pas très impliquée dans le BDE, j'étais plutôt un peu une geek de la bibliothèque, donc c'est vrai que je ne participais pas, à ma grande honte, aux nombreux événements qui étaient organisés par Langzone, je crois que ça s'appelait à l'époque. Le bureau des étudiants de l'époque, c'était Langzone, effectivement. Et d'accord. Est-ce que, quand vous avez décidé d'intégrer les Langzo, est-ce qu'il y avait un certain... prestige, c'est peut-être un grand mot. Est-ce que vous disiez, je vais rentrer dans la fac des langues, finalement? La fac des langues? Mais c'est la plus connue. Clairement, je pense que le fait que l'Institut des langues orientales ait une histoire vraiment très très longue, dès que je disais à quelqu'un que je faisais du japonais, la plupart me répondaient d'eux-mêmes, « Ah, ben, tu dois être au Langzo. » Et ceux qui ne connaissaient pas directement, quand je leur parlais des Langzo, ça leur disait quelque chose. Donc c'était un peu l'école de langue par excellence, et en particulier des langues exotiques. C'est-à-dire que quand j'ai commencé en 99... Le Japon était déjà relativement tendance, mais il n'y avait pas grand monde dans mon entourage qui étudiait le japonais, donc c'était tout de suite perçu comme quelque chose d'exotique, donc qui correspondait bien à l'image que les gens se faisaient des langues orientales. Et ce n'était pas dû au fait que vous veniez de la région parisienne, par exemple? Vous pensez que le rayonnement est au-delà de... Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Je sais qu'à Paris, en tout cas, c'est relativement connu. En tout cas, tous ceux de la génération de mes parents avec qui je parlais de mes études, pas forcément avec enthousiasme d'ailleurs au départ, mais c'était les Langues Eaux, c'est une institution connue, quoi. Vous avez eu des réticences du fait que vous étudiez le japonais ? Ah non, pas du tout. C'était plutôt sans enthousiasme parce que j'avais pas forcément envie de parler de mes études avec les copains de mes parents. Surtout au début, je faisais du japonais. Encore une fois, j'ai tout de suite aimé ça. Mais c'est vrai que il y a eu beaucoup de questions. Et alors, avec ton japonais, qu'est-ce que tu vas faire ? Et bon, quand on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire après, c'est pas un sujet très agréable. Et en amont de vos études au Langzhou, est-ce que vous avez eu d'autres expériences liées au japonais ? Alors, à part cette brève expérience dans un lycée américain, pas du tout, donc pas avant les langues orientales, mais grâce aux langues eaux, à partir de la licence. Alors, moi, je suis partie en maîtrise. Il y a des accords avec des universités japonaises. Et donc, j'ai pu partir après la maîtrise pendant un an et demi au Japon. Et donc là, vivre les études japonaises au Japon, ce qui est bien sûr une expérience complètement différente, en immersion totale. Et de pouvoir se confronter justement avec ce que nous, on sait en tant que Français du Japon et ce que les Japonais savent, pensent, perçoivent de leur propre histoire. Donc ça, c'était vraiment extrêmement intéressant. Et une réaction que j'avais extrêmement souvent quand j'évoquais mon sujet d'étude, donc c'est-à-dire l'histoire et la culture du peuple Aïnou avec mes collègues, donc pas les professeurs, mais avec mes camarades de classe, c'était « Ah, les Aïnou, ah, ça, c'est intéressant. Ah, j'y connais rien du tout. » Pourquoi quelqu'un qui vit à Paris, en France, s'intéresse aux Aïnous ? C'était assez surprenant pour eux. Et ils m'avouaient très facilement eux-mêmes qui n'y connaissaient rien, qu'ils en avaient vaguement entendu parler. Mais, donc c'était très intéressant. Moi, j'étais arrivée en me disant, bon, mais au Japon, ça doit grouiller de spécialistes de toutes les matières. Et bien sûr, il y a des spécialistes des Aïnous au Japon. C'est pas quelque chose de très connu encore. D'accord. Et alors, pour nos étudiants qui se poseraient cette question, comment vous en êtes venu au professorat ? Alors, en fait, en poursuivant mon petit bonhomme de chemin, c'est-à-dire que j'étais de plus en plus intéressée par ce que je faisais, a fortiori quand j'ai commencé à faire des recherches en maîtrise. Mmh. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on m'a proposé d'être tutrice, c'est-à-dire de faire des petits cours de tutorat, un petit peu comme du soutien scolaire, pour les premières années. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça. Je suis d'ailleurs restée en contact avec une bonne partie des étudiants que j'avais eus en tutorat. Et ça m'a vraiment donné envie d'enseigner. Alors, en parallèle, je faisais d'autres choses, les scouts. Et j'étais animatrice d'aumônerie, donc j'avais beaucoup d'expériences différentes de l'animation. Donc, pas juste l'enseignement, mais aussi un petit peu l'animation. Si je peux me permettre, animatrice d'aumônerie, c'est quoi exactement ? Alors, c'est des groupes de réflexion à partir du collège, donc collège-lycée, autour de la religion. Alors, je pense que ça existe un petit peu dans toutes les religions, en tout cas monothéistes en France. Et c'est, on se retrouve, on lit des textes, on réfléchit, et surtout, on essaie de rendre ça vivant. C'est-à-dire, c'est pas comme le catéchisme, peut-être, qui a un but plus éducatif, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on peut vivre sa foi dans la vie de tous les jours, avec les problèmes qu'on rencontre. Donc là, c'était aussi quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée. D'accord. Et où est-ce que vous avez été amenée à enseigner ? Dans quels établissements ? Alors, l'aumônerie, c'était dans mon quartier, dans le 20e arrondissement de Paris, Represent. Et les scouts, pareil. C'était, et le japonais dans le 20e. Le japonais, d'abord au Langzhou. Et après, je suis partie à Strasbourg pour enseigner à l'université de Strasbourg. Et l'année dernière, je suis partie en postdoc à Harvard où j'ai pu enseigner un cours. Donc là, c'était un cours sur le Japon en anglais par une Française. Donc un espèce de mix de filtres différents et c'était vraiment très, très, très intéressant. Est-ce que les ambiances sont très différentes entre l'INALCO, Harvard, Strasbourg ? Tout à fait. L'INALCO, il y a vraiment énormément, énormément d'étudiants et le département, il y a beaucoup, beaucoup de professeurs et beaucoup de spécialistes. Je pense que c'est à Paris qu'on va trouver les plus grandes concentrations de spécialistes au niveau des études à Réal. Ça, c'est un fait. À Strasbourg, le département était beaucoup plus petit, mais ça donne du coup une ambiance et une dynamique très différente. On connaît beaucoup mieux les étudiants, les effectifs sont plus petits et donc il y a pas mal d'échanges. Donc ici, au Langzhou, on commence à mieux connaître les étudiants à partir de la troisième année de licence, Master, par exemple, ou du master. Alors qu'à Strasbourg, j'ai pu beaucoup plus rapidement connaître les étudiants. Et bon, mais à Harvard, ça, c'est un système d'enseignement complètement différent, un peu plus à la carte, où il y a moins de cours d'amphi véritablement. C'est pas du tout la même dynamique. Et est-ce que vous êtes donc rendu sur place pour vos recherches au cours de votre master, par exemple, quand vous avez commencé à affiner votre projet d'études? Alors moi, je suis historienne, donc la plupart de mes recherches ont été effectuées sur des documents écrits. Donc assez rapidement, après un mémoire de maîtrise où j'ai surtout travaillé sur des sources secondaires, à partir du master et a fortiori en thèse, il faut véritablement affronter les sources primaires, c'est-à-dire les sources d'époque. Alors moi, je me suis plutôt focalisée sur le 18e, 19e siècle. Et donc, il a fallu que, bien sûr, je me rende au Japon pour aller fouiller dans les archives à Tokyo et à Hokkaido, pour la plupart, pour aller un petit peu voir quelles étaient les relations entre les Japonais et les Ainu à un moment donné. Mmh. Très bien. Et dans le cadre de votre mémoire, parce qu'on n'en a pas parlé, c'était quoi votre sujet de recherche ? C'était pareil, les Ainu, vous avez commencé par quelque chose d'un peu plus... Alors le titre fait un peu les chevaliers du lac de Paladru autour de l'an 1000, ce que me disaient mes amis quand je leur parlais de mon titre de thèse. Alors le titre complet, c'est, je ne m'en rappelle même plus, autour de la question de l'île des eaux, donc l'ancien nom de Hokkaido, évolution dans les rapports de domination septentrionale, donc les différentes relations entre les Japonais, les Russes et les Ainu dans le nord du Japon, et remise en question du paradigme du sakoku, des origines au 19e siècle. Alors le paradigme du sakoku, est un mot japonais qui signifie le pays verrouillé, le pays fermé, et c'était une politique adoptée par le Japon entre les années 1630 et les années 1850, pour se protéger un petit peu des velléités coloniales européennes. Donc, ils avaient limité leur relation à l'étranger. Très bien. Est-ce que c'était difficile de faire des recherches sur place au Japon pour trouver des sources primaires, ou est-ce que c'était relativement ouvert? Alors moi, ça dépend des sujets, en fait. Moi, j'ai la chance que beaucoup de mes prédécesseurs de chercheurs se sont intéressés à ces questions-là. Et donc les sources qui, par exemple, étaient manuscrites et écrites dans une langue japonaise ancienne et difficile à déchiffrer, beaucoup avaient été publiées. Donc n'étaient plus manuscrites, mais avaient été publiées et un petit peu remises au goût du jour avec certaines annotations et certaines explications. Donc ça, j'ai eu plus de chance que d'autres collègues. Je pense à Yannick Bardi, qui est aussi enseignant à l'INALCO et qui, lui, travaille véritablement sur des sources manuscrites. Par contre, ce qui est peut-être un petit peu plus difficile, c'est de remettre tout ça un petit peu dans un contexte régional et global après. Donc, il faut lire beaucoup, beaucoup de sources et réussir à trouver des angles d'attaque. Et ça, c'était pas forcément toujours évident, mais je pense que tous les chercheurs vivent la même chose. Oui, d'ailleurs, en parlant des chercheurs, je reviens un peu en arrière. Vous avez parlé de vos prédécesseurs et de la recherche en France et des Japonais qui ne connaissaient pas forcément grand-chose à ce peuple Ainu. Est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs à l'étranger, aux États-Unis, en France? Est-ce qu'il y a beaucoup d'ouvrages? Est-ce que ça a été facile pour vous, dans un premier temps, de découvrir un peu ce peuple et ce milieu? Alors, quand j'ai dit que les Japonais n'y connaissaient pas grand-chose, c'était plutôt les camarades, hein, pas les professeurs. Il y a quand même eu beaucoup de choses de fait, surtout à partir de la fin du 19e siècle. Il y a eu beaucoup de missionnaires qui sont allés à Hokkaido au moment de l'ouverture du Japon et au moment de l'intégration de Hokkaido au Japon, d'ailleurs, en 1869. Et ils se sont intéressés aux Ainu à plein de niveaux différents, au niveau linguistique, linguistique, historique, anthropologique, ethnologique, ethnographique. Donc il y a pas mal de choses en anglais et certaines choses en japonais. Et c'est plus récemment, dans les années 1970, qu'il y a vraiment eu un boom au niveau de l'histoire des rapports entre le Japon et les Ainu. Donc il y a quand même un petit paquet de sources, ce qui rend à la fois la chose un petit peu plus facile et à la fois plus difficile, encore une fois, pour le travail de débroussaillage. Mais il y a beaucoup plus de gens qui travaillent sur les Ainu en dehors de la France qu'en France, ça c'est sûr. D'accord, donc vous êtes un peu une des pionnières de la recherche Ainu en France. On verra, l'avenir nous le dira. Est-ce que donc vous avez œuvré à la sortie d'un livre en France sur, sur les Aïnous? Alors j'y travaille, j'essaie de reprendre un petit peu quelques éléments de ma thèse qui est pour l'instant un petit peu imbitable, donc j'y travaille. Et surtout là, je suis en train d'organiser au printemps une journée d'études sur les Aïnous, donc quelque chose qui, à ma connaissance, n'a jamais été fait, en réunissant tous les gens qui travaillent sur les Aïnous, de près ou de loin, quelles que soient les thématiques en France et dans les pays limitrophes. Je sais que je suis en contact avec des personnes de Suisse qui vont venir intervenir. Donc on va parler des Aïnous sous toutes leurs coutures, donc la politique, le contemporain, l'ancien, l'ethnographique. Et la BULAC va organiser une exposition pendant le mois de mai, en mettant en valeur toutes les sources qu'ils ont sur les Aïnous, parce que la BULAC a quand même pas mal de choses, dont des documents un petit peu anciens du 19e siècle, qui n'ont pas encore été véritablement exploités. Donc ça, à court terme, c'est une des choses que je souhaiterais faire avec Pascal Hurt, c'est voir ce qui existe dans les collections et pouvoir les remettre en contexte, d'où ils viennent, qui les ont écrits, est-ce que ça a été tiré à beaucoup d'exemplaires, etc. D'accord. Il y a des choses, des trésors cachés. Donc cette journée, ça sera à l'INALCO ? Oui, à l'INALCO, oui. A priori, le 21 mai. Le 21 mai, c'est pas encore complètement sûr, mais ce serait le 21 mai. Ouais. Bah, on espère pouvoir en reparler Avec dans les actualités, quand ça sera bien fixé. A priori, le 21 mai. Ce peuple, quelles sont leurs origines? Alors, l'origine des Aïnous est une énigme, comme, voilà, comme un petit peu l'origine du peuplement japonais pendant très longtemps. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avant d'être intégrés au Japon et à la Russie à la fin du la seconde moitié du 19e siècle, c'était essentiellement un peuple de chasseurs-pêcheurs qui vivaient également du commerce avec le Japon, avec les Russes et avec différentes populations autochtones, et dont l'aire géographique se situait autour de la mer d'Okhotsk, donc au nord du Japon, principalement à Hokkaido, dans l'archipel des Kouriles et à Sakhaline. Et c'est un peuple ethniquement différent, donc des Russes et des Japonais, mais qui ont des liens culturels extrêmement forts avec ces deux populations, mais également avec d'autres peuples autochtones régionaux, comme les Nifk, par exemple. Mmh. Et là, se termine demain, si je ne me trompe pas, une exposition au musée du Quai Branly, qui a un petit peu mis en lumière ces populations-là, une exposition intitulée « Les esthétiques de l'amour », donc pour le fleuve, hein, pas pour autre chose. qui les a un petit peu remis au goût du jour. Alors ce qui est intéressant par rapport au rapport entre les Ainu et les Japonais, c'est qu'il y a quand même énormément de différences culturelles. Pendant très longtemps, les interdits bouddhiques faisaient que les Japonais ne consommaient pas de viande, alors que les Ainu, du fait du climat et de leur culture, consommaient de la viande régulièrement. Tout le système de croyances était différent, la langue était complètement différente, même s'il y a eu bien sûr des échanges linguistiques. Et au niveau physique, les Ainus sont assez poilus, ce qui diffère des Japonais un petit peu plus glabres, ce qui leur a donné la réputation pendant très longtemps d'être une espèce de poche caucasienne oubliée en Asie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un paquet de personnes qui disaient que c'était des Caucasiens oubliés à l'autre bout du monde. Donc c'est quand même assez récent. C'est assez récent, ce qui prouve aussi qu'il y a encore, il y avait des choses à faire sur les Ainu dans les langues européennes. Et d'ailleurs, quel a été le traitement du gouvernement japonais envers les Ainu? Traitement aussi bien officiel que officieux. Est-ce qu'il y a eu une acculturation entre les deux? Alors, quand le Japon a annexé Hokkaido en 1869, c'était en même temps que son ouverture après donc le fameux Sakoku, après la fermeture. Et le but, c'était d'essayer le plus rapidement possible de se constituer en État-nation et si possible en empire colonial pour pouvoir trouver sa place dans les puissances coloniales plutôt que dans les pays et territoires colonisés. Ouais. Donc les Japonais ont tout de suite cherché à légitimer leur souveraineté sur Hokkaido et donc à intégrer les Ainu et en faire le plus possible des Japonais. Donc c'est-à-dire que les femmes qui jusque-là se tatouaient des espèces de moustaches autour de la bouche, c'était des tatouages péribuccaux tout noirs, c'est l'une des choses les plus connues au niveau iconographique des Ainu, donc ça a été interdit. Leurs méthodes de chasse et de pêche traditionnelles ont été interdites et on les a un petit peu obligés à participer à l'effort agricole. On leur a enseigné le japonais, on leur a interdit la langue Ainu, donc une assimilation qu'on peut retrouver dans d'autres types de relations coloniales. Et quand ça a été fini, vers les années 1920-1930, les Ainu ont disparu du discours officiel. C'est-à-dire que voilà, c'était quelque chose que le gouvernement n'évoquait plus, et il n'y avait plus de loi concernant les Ainu, même de mesures d'assimilation. Ils ont disparu des radars jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale. Dans les faits, est-ce qu'ils ont véritablement disparu? Alors, pas du tout. Justement, il y a toujours des rééquilibrages, c'est-à-dire le plus un gouvernement va essayer de réprimer une identité, le plus des voix vont s'élever justement pour revendiquer leur existence et leur culture. Et ça a été le cas chez les Ainu, c'est-à-dire que à partir des années 20, il y a eu toute une génération de poètes Ainu qui s'exprimaient en japonais, mais qui comprenaient et qui parlaient encore la langue Ainu, qui ont parlé de leur expérience de cette espèce d'être assis entre deux chaises et ils ne remettaient pas forcément en cause d'ailleurs le fait d'être japonais, mais ils souhaitaient être japonais et Ainu en même temps. Ils considéraient que c'était pas du tout quelque chose qui était impossible, mais tous ces efforts ont un petit peu été brisés bien sûr à la fin des années 30 quand le Japon est rentré en guerre en Asie et ce n'est pas vraiment revenu sur le terrain du débat public jusqu'aux années 60-70. Vous avez mentionné que vos sources étaient celles de l'État japonais. Oui. Donc, si je ne me trompe pas. Mais étant donné le contexte que vous venez de nous expliquer, est-ce qu'il n'y a pas des sources qui seraient un peu erronées, enfin qui ne nous diraient pas vraiment la vérité? Alors, de toute façon, les Comment sources, tirer il faut... le vrai du faux Il faut les prendre avec, avec les proverbiales pincettes, hein, quelles qu'elles soient, a fortiori quand c'est des sources qu'on qualifie de, parfois de dominantes. Dans le cas des Aïnou et des Japonais, les Aïnou n'avaient pas de langue écrite. Donc, les seules... sources véritablement qui nous permettent de voir le point de vue des Aïnou sont des poèmes chantés qui ont été transmis de génération en génération, qui parlent plutôt de la relation des hommes aux dieux, mais dans lesquels on peut trouver des petites pépites d'informations concernant les rapports entre les Japonais et les Aïnou. Et donc, comme dans toute relation humaine, il y a certains poèmes qui parlent de la cruauté, de l'exploitation, et d'autres poèmes qui parlent au contraire de personnalités qui ont été des alliés, parce que les Aïnous entre eux ne s'entendaient pas forcément tous les uns les autres non plus. Il y avait des clans Aïnous, des... Mais les villages étaient en compétition pour les ressources naturelles, donc forcément il y avait des conflits. Et les Japonais qui habitaient à Hokkaido, donc avant Meiji, qui étaient relativement peu nombreux et qui dépendaient de leur rapport avec les Aïnous pour survivre dans une nature relativement hostile, devaient parfois prendre des Aïnous pour alliés. Donc c'était pas, c'est jamais tout blanc tout noir, hein, bien sûr, mais c'est pas manichéen et ça apparaît dans les sources. Donc il y avait quand même des colonies japonaises sur l'île de Hokkaido avant... Ouais, il y avait des comptoirs de commerce, un petit peu comme aux États-Unis. D'accord. Où il y avait quelques trappeurs, bon, c'est pas des trappeurs au Japon, hein, mais des personnes qui allaient s'installer en territoire Aïnou pour échanger. Et puis, au fur et à mesure de l'importance de la présence japonaise, ça a donné des endroits où les Aïnous troquaient de moins en moins et travaillaient de plus en plus. Et le mode de vie des Aïnous a changé, la présence japonaise a augmenté. C'est un cas un petit peu d'école, malheureusement, dans ces cas-là. Est-ce que vous avez mentionné qu'il y avait des Aïnous jusqu'à l'île de Sakhaline ? Absolument, oui. Est-ce que ça veut dire que le peuple Aïnou a été et toujours divisé entre Russie et Japon, ou est-ce qu'ils sont tous maintenant sur l'île d'Hokkaido? Alors il y a eu à peu près 4 ou 5 traités bilatéraux et multilatéraux entre le Japon et la Russie pour la souveraineté territoriale des Kouriles et de Sakhaline. C'est-à-dire Hokkaido, ça a plus ou moins toujours été japonais sans conteste. Par contre, les Kouriles et Sakhaline ont changé de camp. Et au gré de ces changements, il y a eu des déplacements de population. Donc des Aïnous, des Kouriles installés à Hokkaido ou installés à Sakhaline en fonction de si c'était des souverainetés japonaises et russes. Par contre, tous les groupes Aïnous culturels n'ont pas subi les mêmes mesures. Et je pense que les Aïnous de Hokkaido s'en sont pas trop mal tirés, dans le sens où apparemment il ne resterait plus personne qui parle la langue Aïnou des Kouriles ou qui se revendique Aïnou des Kouriles. Sakhaline, je connais beaucoup moins bien, donc je ne sais pas s'il en reste véritablement non plus. Ce que je sais, c'est que des sondages relativement récents, bon là, ils commencent à dater, mais vers 2006-2008, qui ont été effectués à Hokkaido et à Tokyo, nous indiquent qu'il y a au moins 20 000 personnes qui se réclament encore Aïnou au Japon aujourd'hui. Ce qui est plus, je pense, que... qui doit rester à Sakhaline et au Kouril. Et d'ailleurs, comment vous avez eu accès aux anciens écrits Aïnou, enfin aux chants qui étaient transmis? Comment ils vous sont parvenus? Les missionnaires dont je parlais tout à l'heure ont fait un très très grand travail de collecte, de compilation, d'enregistrement sur des vinyles, et les ont traduits du Aïnou en japonais et du japonais en anglais. D'accord. Donc on a pu garder... Alors, pas forcément tous, hein, bien sûr, mais une bonne partie de ces yukar qui sont utilisés par les chercheurs, encore une fois, de manière un petit peu sporadique pour avoir le point de vue des Aïnous. Mais il faut dire que la production de yukar s'est quand même arrêtée bien avant Meiji. Donc, tout ce qui vient après Meiji va avoir été écrit la plupart du temps en japonais par des Aïnous qui ont appris le japonais à l'école. D'accord. Les Aïnous, est-ce qu'avant, ils étaient semi-nomades? J'imagine. Non, ils étaient sédentaires. Sédentaires, oui, absolument. D'accord. Est-ce que leur mode de vie a énormément changé? Est-ce que désormais leur mode de vie est japonais ou est-ce qu'ils conservent une part de mode de vie traditionnel? Alors, leur mode de vie est essentiellement japonais. Ça, je pense qu'il n'y a pas de question à ce sujet-là. Par contre, il y a eu de plus en plus d'initiatives pour essayer de préserver un petit peu la connaissance de la langue Ainu, bien qu'il soit difficile à dire s'il reste aujourd'hui des locuteurs natifs. C'est considéré comme une langue en voie de disparition. Et il y a eu également pas mal d'initiatives pour essayer de préserver certains rites. Donc, c'est pas forcément des rites qui ont lieu comme c'était le cas au XIXe siècle ou au XVIIIe siècle, mais il y a encore des cérémonies qui ont lieu à Hokkaido. Donc, en particulier, les cérémonies d'accueil des saumons de l'année nouvelle, qui sont liées au passage des saisons, essentiellement aux périodes de transhumance des populations animales. Donc ça, c'est quelque chose qui a presque complètement disparu et qui là connaît un nouvel élan. Je pense qu'il y a aussi une influence des médias et des réseaux sociaux. Moi, je sais que sur Facebook, je ne sais pas si on a le droit de dire des marques, mais oui, on peut, pas de souci. Sur Facebook, il y a beaucoup de groupes Ainu ou de personnes qui s'intéressent à la culture Ainu. Pareil sur Twitter, sur Instagram, etc. Et donc, ça donne une espèce de vie différente, mais quand même, ça nous parle un petit peu des événements qui ont lieu à Hokkaido. D'accord. J'allais justement demander comment se faisait la tentative de sauvegarde de la culture Ainu, si c'était à l'échelle vraiment locale, s'il y avait un petit groupe d'Ainu qui continuait de vivre un peu comme le faisaient leurs ancêtres, ou si à l'échelle nationale, il y avait des associations officielles, ou si l'État opérait des petites... je sais pas, des missions de sensibilisation à ce qu'est la culture Ainu, je ne sais pas. Alors, en 1997, une loi est passée pour la promotion et la dissémination du savoir sur la culture Ainu. Il y a eu une grosse médiatisation dans ces années-là, les années 90, parce qu'il y a un Ainu qui est devenu parlementaire à la Diète japonaise. Et il a énormément œuvré pour justement débloquer des fonds, faire connaître la minorité Ainu. Et c'est entre autres grâce à son combat qu'ils ont été reconnus comme minorité autochtone en 2008. Donc ça, ça leur a aussi permis d'avoir de pouvoir s'exprimer sur la scène internationale au même titre que d'autres populations autochtones. Et ça a permis de faire de la publicité, d'obtenir des fonds et de pouvoir lancer différents projets. Alors, la plupart des projets sont locaux, c'est-à-dire essentiellement sur Hokkaido. Mmh. Il y a eu la pétition pour la reconnaissance des danses et des chants Ainu au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2009. Il y a eu la mise en place de zones de parcs naturels. Il y a des projets écologiques en cours. Et dans les centres urbains, c'est-à-dire à Tokyo et à Osaka, il y a des associations Ainu qui, là, participent plus à la tenue d'événements, de conférences, pour faire connaître cette culture. Parce que ça paraît un peu tard, quand vous le dites 2008, c'est très tard, comme année de reconnaissance de... C'est très tard, oui. Mmh. Mais il y a eu en parallèle, à partir des années 70, des discussions au niveau international sur une définition de l'autochtonie, qui permettait de ne pas complètement remettre en cause les frontières des États. Donc c'est quelque chose qui a concerné donc non seulement le Japon, mais l'Australie, une partie de la Laponie, le Canada. Donc il y a eu en parallèle dans tous ces États des discussions sur les enjeux de la reconnaissance de l'autochtonie. Et tant qu'une définition n'avait pas été trouvée pour stipuler qu'il n'y aurait aucune revendication et aucun nouvel État formé, beaucoup de pays ont été réticents, dont le Japon. À partir du moment où il y a eu une définition relativement claire qui ne remettait pas en cause les frontières japonaises, ça a été beaucoup plus facile, surtout dans la région de Hokkaido où il y a encore des conflits territoriaux entre les Japonais et les Russes. Est-ce que les populations Ainu ont pu... discuter avec d'autres populations, je pense par exemple en Russie où les peuples de Sibérie, du Nord, de Sibérie et d'Extrême-Orient se sont regroupés dans une association commune. Est-ce que le peuple Ainu arrive à faire la même chose avec les autres peuples du Japon ou avec d'autres peuples autochtones dans le monde? Alors, des peuples du Japon, à ma connaissance, non. Pareil, encore une fois, à ma connaissance, mais je ne suis pas spécialiste à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y a eu des dialogues avec les populations autochtones de Russie. Par contre, comme c'est un mouvement plutôt des années 70, 80, 90, donc avant la chute du mur, c'était plutôt avec d'autres populations des pays de ce qu'on appelait le bloc de l'Ouest que les discussions ont lieu. Donc, en particulier avec les Samis, avec les Inuits, avec les peuples amérindiens d'Amérique du Nord et du Canada. Donc il y a eu plusieurs sommets, plusieurs forums, et il y a eu un représentant Ainu, Nomura Giichi, qui s'est exprimé à l'ONU pour l'ouverture de l'année des peuples indigènes. Donc il me semble que c'était en 1993. Il y a eu de nombreux sommets, dont un organisé justement à Hokkaido en 2008. Et voilà, ça a sûrement aussi permis de donner un petit coup de boost au gouvernement japonais pour les reconnaître en tant que minorité autochtone. Et pour l'anecdote, il y a une chef de file très charismatique de la cause Ainu qui s'appelle Mina Sakai, mmh. qui était chanteuse d'un groupe qui s'appelait les Ainu Rebels et qui fait encore de la musique Ainu techno, qui est tombée amoureuse d'un Amérindien. Il me semble que c'est un Amérindien ou est-ce que c'est quelqu'un d'une minorité chinoise, enfin quelqu'un qu'elle a rencontré au sommet des populations autochtones. D'accord. Donc ça a été médiatisé un peu dans la rubrique People. Et pour en revenir à vos recherches, j'avais oublié de demander ça tout à l'heure, étant donné que le peuple Ainu était réparti sur différentes îles, notamment les îles Sakhalin qui étaient donc disputées entre le Japon et la Russie, est-ce que vous avez eu d'autres sources, à savoir des sources russes par rapport au peuple Ainu? Alors, il y en a certaines qui ont été traduites. Alors, les sources gouvernementales russes, pour la plupart, je n'y ai pas encore eu accès, parce que je vais me mettre au russe incessamment sous peu. Félicitations. Clément est très content. Ah, super. Vous devrez m'aider alors, parce que ça n'a pas l'air... Aucun problème. Très facile. Mais il y a des sources un petit peu plus incongrues, qui là, pour le coup, ont été traduites et par des gens... qui ne sont pas des spécialistes des Ainu, ni des ethnologues, ni des anthropologues. Je sais que... Est-ce que vous êtes en collaboration avec des chercheurs russes sur le sujet, peut-être, ou non? Alors, il y en a quelques-uns avec qui je suis en contact. La plupart sont basés, d'ailleurs, aux États-Unis, qui étudient les Ainu. Il y a Bronislav Pildowski, donc avec qui je ne suis pas en contact parce qu'il est décédé, qui est un Polonais qui, me semble-t-il, a été exilé à Sakhalin, qui est également connu pour ses goulags, et qui du coup s'est intéressé sur place aux Ainu, les nuits sont longues, et qui a écrit des sources à ce sujet. Si je ne me trompe pas, Tchekhov aussi a passé du temps à Sakhalin. Il était là-bas pour étudier les conditions sanitaires, voilà, des prisonniers à Sakhalin. Samania Sakhalinosa, je ne sais plus comment il parle de ça. Et dans ce livre, il y a quelques passages sur les Ainu. Donc il y a des sources un petit peu incongrues dans lesquelles on apprend des choses sur les Ainu de Sakhalin. Mais c'est vrai que c'est le type de l'iceberg et il faut vraiment que je me mette au russe pour voir jusqu'où il va. Et ils ont été les seuls chercheurs présents sur cette île? C'était dans quel contexte? Alors, comment ils ont été en contact? Tchekhov, il était vraiment très intéressé de partir. Mmh. Et dans la préface de son livre, il dit lui-même ne pas trop savoir pourquoi, mais il a eu une espèce d'obsession violente pour l'île de Sakhalin. Il s'y est rendu alors que personne ne comprenait trop pourquoi. Et donc ça, c'est un petit peu les mystères et les aléas du voyage. Il y a eu des ethnologues et des anthropologues russes, mais pas seulement, également donc polonais, qui ont écrit sur les Ainu. Mais la plupart des sources dont j'ai vu les titres, c'est des sources qui sont, encore une fois, pour l'instant, pour moi, malheureusement, inaccessibles pour le moment. Mmh. Je repense à ce dont on avait parlé avec Dominique Sanson il y a deux émissions, donc il y a déjà quelques mois, qui lui étudiait donc des peuples qui historiquement ont eu énormément de contact avec les Russes jusqu'à ce que les Russes, jusqu'à ce que ce contact, disons, soit un peu forcé. Est-ce que le contact entre Ainu et Japonais a été forcé? Et est-ce que Je pense par exemple à la langue Ainu, est-ce qu'elle reflète les contacts qu'ils ont pu avoir avec le japonais? Par exemple, je pense l'exemple que nous avait donné Dominique Sanson, c'était des termes, par exemple, pour désigner les Russes, qui étaient le grand rouge ou alors c'était la femme de métal, je crois, pour désigner les Derrick. Enfin, voilà, ce genre de... Alors, c'est une excellente question. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Alors, juste pour l'anecdote, avant de commencer, les Japonais, avant d'appeler les Russes les appelaient les Ainu rouges. Donc, c'est un espèce de mélange de ce que vous venez de dire. Ils ne savaient pas trop que c'était des Russes, mais bon, il y avait des gens qui ressemblaient un peu à des Ainu par la barbe, mais un peu plus rouges dans les vêtements. Alors, je pense qu'il y a une différence entre le cas russe et le cas japonais, qui est que les contacts entre les Russes et les Ainu sont beaucoup, beaucoup plus anciens. C'est-à-dire que il y a des populations considérées comme proto-Ainu qui ont eu des contacts avec le Japon pendant l'Antiquité japonaise, donc attestés par des sources à partir du 8e siècle. Donc c'est vraiment très très ancien. Et il y a des linguistes qui se sont penchés sur les apports et les échanges linguistiques, donc les mots Ainu en passé en japonais et les mots japonais passés en Ainu. Et là encore, c'est des contacts extrêmement anciens. Donc on voit que à travers ces échanges linguistiques, la nature des échanges, hein, parce qu'essentiellement c'était des échanges. Donc je sais que en japonais, par exemple, le mot pour désigner le saumon, qui était shaké à l'origine et qu'on retrouve encore quand on va au sushi tournant, est un mot qui vient de la langue Ainu. Le mot tonakai pour désigner les cervidés vient de la langue Ainu. Todo pour désigner le phoque viendrait même du nifk, via la langue Ainu. Donc beaucoup de noms pour désigner la faune et la flore septentrionale. En Ainu, il y a le mot kamui pour désigner les divinités, qui viendrait d'une forme extrêmement ancienne du japonais. Pasui pour désigner des baguettes, qui proviendrait d'une forme ancienne de hashi. Et puis d'autres mots, mais qui désignent là plutôt des produits transformés, entre guillemets, donc un petit peu moins de faune et de flore. Mais c'est des échanges extrêmement anciens, donc les contacts sont forcés à partir d'un certain point, en particulier avec les mesures d'assimilation et le redéploiement agricole, mais beaucoup plus anciens, donc ils ont eu une période de pour s'apprivoiser, peut-être un petit peu différente du cas russe. Et comment vous décririez le Ainu, on va dire, typique? Parce que vous avez parlé des barbes, de leur ressemblance avec les Russes, etc. Je suis assez curieux. Alors, n'ayant pas rencontré de Ainu typique du 19e siècle, je peux juste vous parler de ce qui apparaît dans les représentations iconographiques. D'accord. Donc, de là à vous dire qu'ils étaient comme ça, où on ne leur a pas dit « Ah, mais mettez-vous là, portez ça, ouais, montrez votre barbe ». Donc c'est toujours difficile de savoir si c'est typique ou non, mais la plupart des représentations du 19e siècle, les photos, c'est les barbes, c'est les vêtements traditionnels, les hommes ont les oreilles percées, des gros anneaux aux oreilles. Les femmes ont donc les tatouages péribucaux, elles portent beaucoup de colliers, beaucoup de bijoux, ce qui n'était pas le cas pour les Japonais. Et ils sont toujours accompagnés, enfin pas toujours, mais souvent d'un ourson qui rappelle le culte de la divinité tutélaire ours, qui avait énormément marqué les Japonais quand ils sont arrivés à Hokkaido, parce que bon, déjà l'ours c'est tout un symbole. Et ensuite les Ainu effectuaient une cérémonie de renvoi de la divinité ours, qu'ils pensaient habiter l'enveloppe physique de l'ours. Et donc, ils allaient kidnapper des petits oursons dans la montagne. Ils les élevaient dans le village, en leur donnant les meilleurs morceaux, tout ce qu'il y avait de bon à manger. Et après, ils organisaient une grande fête pour l'ours, en le promenant dans le village, en lui racontant les anecdotes, avec beaucoup de libations, beaucoup de saké, beaucoup de chants et de danses. Et finalement, l'ours était sacrifié pour que la divinité qui avait temporairement habité son corps puisse retourner au pays des dieux et dire aux autres dieux « Ah, c'est super sympa dans ce village, il faut y aller !» et permettre à ce qu'il y ait plein d'animaux et donc une chasse prospère. Donc ça avait beaucoup marqué les Japonais. J'imagine qu'ils ont dû être surpris en voyant ces coutumes. Et surtout, manger l'ours, manger le cœur de l'ours, boire le sang de l'ours, C'était pas complètement dans les cordes de la religion bouddhiste, donc c'était encore plus frappant, ouais, je pense, pour eux quand ils sont arrivés à Hokkaido. Mmh. C'était des religions très différentes entre le bouddhisme japonais et l'animisme Ainu. Ah bien sûr, le mode de vie des Ainu et des Japonais à cette époque-là était complètement différent, et les Ainu dépendaient en grande partie de leur environnement. Bon, au fur et à mesure du 19e siècle, de plus en plus des Japonais, mais à l'origine vraiment des populations animales des campagnes de chasse et de pêche. Et donc, tout leur système de croyance était basé sur cet échange entre les dieux qui récompensent les personnes qui ont un comportement respectueux vis-à-vis d'eux en leur envoyant des animaux, et l'homme qui doit montrer qu'il est plein de gratitude vis-à-vis des divinités. Donc c'est un type de relation qu'on retrouve dans énormément de populations qui n'était pas du tout présent, pas sous ces formes-là en tout cas au Japon. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver un musée ou un centre culturel Ainu pour voir un peu tous ces... leur mode de vie, des vêtements traditionnels, des... Oui, alors il y en a en particulier à Hokkaido. Alors, ce qui est peut-être un petit peu triste, c'est que jusqu'à très récemment, ces musées présentaient les Ainu comme une population éteinte et avec des us et coutumes qui ne sont plus du tout au goût du jour. Alors, il est vrai que les Ainu maintenant vivent comme des Japonais et qu'il y a beaucoup de choses dans leur mode de vie qui ont évolué. Mais il serait intéressant, et ça, je pense que c'est quelque chose qui va arriver, que les Ainu mettent en place eux-mêmes des centres culturels où ils présentent à leur manière ce qu'ils ont pu entendre de leurs ancêtres, de leurs grands-parents, la manière dont eux vivent encore. Parce que ça n'a pas été fait en collaboration avec les Ainu. Un tout petit peu, encore une fois, sous l'égide de Kayano Shigeru, donc le parlementaire à la Diète, qui a mis en place quelques centres culturels, dont certains d'ailleurs ont des bibliothèques avec des ressources, donc ça c'est également super important. Mais il reste encore pas mal de musées pour touristes, avec des Ainu pour touristes, où des gens vont s'habiller comme les Ainu traditionnels, faire deux ou trois pas de danse devant les caméras, prendre des selfies avec des visiteurs. Et c'est vrai que là, du coup, c'est un merchandising de la culture qui est un petit peu dommage. Bon, c'est pareil partout. Ça ressemble un peu à la première utilisation qu'en a été faite par le Japon pendant l'exposition universelle, de montrer au monde que nous aussi, on a des aborigènes. C'est un peu dommage. Mais ça va changer. Oui, on l'espère. Et d'ailleurs, en parlant des Ainu d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le Ainu de 2016? Est-ce que, par exemple, ils se revendiquent comme Ainu? Est-ce qu'ils essayent d'avoir certains signes traditionnels sur eux, ou est-ce que... Alors, certains, oui. Mais là encore, il y a encore des efforts à faire. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a eu aucun sondage à l'échelle nationale japonaise pour évaluer le nombre de personnes qui se disent Ainu. Alors après, il faudra prendre ce nombre... Et imaginez qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parler de leur identité Ainu. Ils ont un peu la même considération que les Bulakumin, par exemple, ou... Ah, c'est complètement différent. Alors, par contre, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, qui sont les Bulakumin? Je laisse le professeur expliquer. Alors, les Bulakumin sont les descendants de personnes qui avaient des occupations, des emplois, qui étaient considérés comme vecteurs de souillure au Japon, c'est-à-dire tout ce qui concernait l'écarissage, les métiers liés à la mort, la prise en charge des cadavres, les métiers du cuir et les bouchers, ce genre de choses-là. Ça englobait beaucoup de choses quand même. Oui. Enfin, c'était pas que les cadavres, par exemple. Ouais, il y avait par exemple les bouchers, les métiers liés à la terre aussi, si je dis pas de bêtises. Alors, encore une fois, là, je ne suis pas spécialiste. D'accord. En tout cas, voilà, c'est pas du tout la même vision, parce que là, on a affaire à, comment dire, une minorité vraiment interne et sociale. Et là, les Ainu, pour ceux qui se revendiquent Ainu, ils revendiquent aussi une culture ethnique différentes. Donc un jour, peut-être, on saura combien de personnes se revendiquent vraiment Ainu. Il y en a qui portent certains motifs, il y en a qui apprennent le Ainu, il y a des groupes, c'est un peu la Ainu 2.0, il y a beaucoup de groupes de musique Ainu, donc soit traditionnelle, soit remixée, qui existent aujourd'hui, des restaurants qui ouvrent de nourriture Ainu. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de, une dynamique en train de se mettre en place. Donc une nourriture à base d'ours. je pense qu'ils n'ont pas le droit, mais en tout cas à base de viande. Donc le Ainu de 2016, je pense, regarde vers l'avenir avec un œil sur Facebook en se disant qu'il faut faire connaître sa culture. Est-ce que c'est facile d'apprendre le Ainu? Est-ce qu'il y a des écoles Ainu? Je pense par exemple, pour le coup, à un exemple français, pour les Bretons qui veulent apprendre leur langue ou dans les gens... les écoles dans le Pays Basque, par exemple, qui maintenant ont des classes pour apprendre le basque? Alors, il n'y a pas l'équivalent des écoles d'Iwan au Japon. Il y a à Hokkaido des cours d'initiation à la langue Ainu dans les écoles et dans certaines facs au Japon, des cours de langue Ainu. J'en avais suivi un, d'ailleurs, à l'Université des langues étrangères de Tokyo. Les textes sur lesquels j'avais travaillé, ça m'avait beaucoup rappelé quand je faisais du latin. Parce que c'était des textes de poèmes chantés, et c'était « Le saumon revient chaque année ». C'était un peu la guerre des Gaules version Ainu. Mais à Hokkaido, de manière plus locale, il y a des méthodes de langue Ainu, où on apprend encore les salutations. Et quand c'est des mots comme « télévision » ou « voiture », on insère un petit mot en anglais ou un petit mot en japonais. Donc, il y a quand même... je ne sais pas si en breton, c'est la même chose. Et pour l'anecdote, ces méthodes de langue, j'en ai une à la maison. Ils ont essayé d'enregistrer le plus proche de locuteurs natifs possible. Et donc, toutes les leçons, c'est des vieilles grand-mères qui font les voix des leçons. Donc, ça ne ressemble pas du tout à l'allemand qu'on entendait à l'école avec des petits jeunes collégiens quand on était au collège. Là, c'est des petites mamies... Bonjour, je voudrais 3 oranges, s'il vous plaît. C'est assez rigolo, mais je pense qu'il y en a de plus en plus, des écoles Ainu et des cours de langue Ainu. D'ailleurs, le nombre de personnes, pas se revendiquant Ainu, mais vraiment étant Ainu, vivant toujours à Hokkaido, selon le mode de vie Ainu, est-ce que ces données-là, elles sont chiffrées? Vous parliez des grands-mères, par exemple, qui étaient enregistrées... À ma connaissance, ces données ne sont pas chiffrées. Et en plus, alors encore une fois, vivre à la Ainu, c'est... tout le monde a des voitures, tout le monde a des téléphones. Donc non, ces données-là ne sont pas chiffrées. Et je pense qu'elles ne le seront pas. Les données chiffrées qui pourraient exister, mais là encore une fois, qui sont difficiles d'accès, c'est le nombre de locuteurs natifs. À ma connaissance, il n'en reste plus. Vraiment... le nombre de personnes qui sont capables d'avoir un arbre généalogique qui remonte passé les années 1870. Ça, c'est des données chiffrées qu'on pourrait obtenir, mais qui sont très difficiles, à mon avis, à connaître. Yo. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu nous parler des Ainus, c'était extrêmement intéressant. Merci. Et on est content d'avoir eu un point de vue du Japon qui soit justement pas forcément manga et tout ça. C'est intéressant de voir le Japon comme un état qui est aussi composé de différentes populations. Oui, tout à fait. C'est très intéressant. Il y a des mangas sur les Ainus d'ailleurs. Ah bon, fusion des deux cultures. D'accord, donc ça a été écrit par un mangaka Ainu ou... Oui, Tezuka Osamu, qui n'est pas le mangaka le moins connu, qui a fait Astro Boy, a également fait des mangas sur les Ainu, il en existe quelques-uns. Oui. Donc, et il y a les Ainu dans les jeux vidéo. Récemment, il y a eu beaucoup d'éléments de la culture Ainu qui ont été repris dans des jeux vidéo Okami et Final Fantasy. Donc là encore, pas des moindres. Ah oui, en effet. Donc voilà, c'est vraiment les Ainu. Alors je ne sais plus si c'est 2.0, 3.0, je ne sais plus où on en est maintenant. Mais... D'accord, donc s'il y a des auditeurs qui veulent se lancer dans ces recherches dans le cadre de leur master, voilà. Commencez par Final Fantasy. Voilà. Finissez par Astro Boy. Exactement. Ça. Alors, on a une dernière question que l'on pose à chacun de nos intervenants à Radio Langzo. Et d'autant plus que vous avez donc fait vos études à l'INALCO. C'est une question récurrente. On se demande comment finalement nommer les étudiants de l'INALCO. Historiquement, c'était les Sylvains, du nom de Sylvestre de Sacy. Alors ça date du 19e siècle, à l'époque où les étudiants des Langzo étaient très connus pour leur salut un peu original, Paris, les blagues qu'ils faisaient aux différentes écoles de Paris. Et donc, on les appelait les Sylvains. Alors, nous, on a eu d'autres propositions de nos intervenants. L'une d'elles qui est la plus drôle, c'est les inalcooliques, qui renvoient au côté addictif, j'ai envie de dire, des études à l'INALCO. Bon, les inalcistes, c'est aussi une version que j'avais entendue. Est-ce que vous avez peut-être une idée pour comment nommer les étudiants de l'INALCO? C'est une question qui me fait sourire parce que quand on était dans les premières années, donc à Dauphine, subissant l'exiguïté des salles, la bibliothèque surchauffée... Les Dauphinois, d'une certaine les manière. Les toilettes aussi, qui étaient juste au-dessus de la bibliothèque. On avait un petit groupe de potes et on s'appelait les Warriors. Donc on disait que pour affronter ces conditions et faire du japonais en plus, apprendre tous ces kanji, il fallait être fou. Donc, les Warriors, mais les Ouf, ça marche aussi très bien. Donc, aucun rapport avec le mot Inalco ou Langzo, ou les langues ouf, peut-être, à la limite. Les langues ouf. Ouf des langues et ouf de faire ce qu'on fait, mais aussi des doux rêveurs, je pense, un peu. Très bien, c'est très beau. Mais oui, c'est vrai. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez nous les envoyer soit sur notre Tumblr, soit par mail à radiolangzo@gmail.com, soit sur notre nouvelle page Facebook, Radio Langzo, sur laquelle vous pouvez recevoir les informations. Et sur laquelle vous aurez les photos de l'interview, du studio et de notre invité d'aujourd'hui. Oui, sur notre Tumblr aussi, a priori. N'y allez pas pour les photos de l'invité. Hein. Donc, vous pourrez nous retrouver, a priori, le mois prochain, où l'on pourra parler des Quechua. Avec Valérie Legrand. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Et à la prochaine. power.